Assassine, reflet d'un passé à moitié oublié. J'ai laissé la place à ces doutes grandissants qui s'entremêlent lentement à mes pensées. Regarde-moi en face et dis-moi que tu m'aimes encore. Dis-le-moi s'il te plaît tendrement. Regarde-moi en face et ouvre-moi ton cœur. J'ai tant besoin de ressentir ce sentiment. Je vois encore sur les rives du passé un avenir tout tracé. J'entends encore sur les rives du passé une chanson. À une vérité trop fragile, c'est si facile de devoir tout compliquer. J'ai laissé la place à une âme en péril. Derrière ce mur, je me cache et en secret, ne pas perdre le contrôle. Juste le regard qui change, c'est une métamorphose androgyne. Ne pas perdre le contrôle, j'ai goûté à l'étrange, je suis devenu mon propre homonyme. Je vois encore sur les rives du passé un avenir tout tracé. Une chanson oubliée.